Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Sanganilo. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Près de 100 personnes ont été arrêtées dans une rafle policière de la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Gitega. Elles sont suspectées par la police d'être de probables perturbateurs de l'ordre public. En page éducation, nous allons vous parler de plus de 300 étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui sont exclus de l'université du Burundi pour l'année académique en cours. Et le représentant du parti Sawanya Frodebou en province de Karusi a été arrêté ce samedi, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est le motif de son interpellation, mais sa formation politique soupçonne des mobiles politiques. C'est aujourd'hui que le parti Uprona élit son nouveau président. Le vote se déroule en ce moment à Gitega. Et ce journal va également faire objet des ménages de Luigi qui utilisent sans payer l'eau de la régie des eaux avec la complicité de ses agents. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, plus de 300 étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines sont exclus de l'université du Burundi pour l'année académique 2015 et 2016. La motivation du rectorat, c'est qu'ils n'ont pas répondu présent à l'appel les invitant à reprendre les cours pour mettre fin à leur grève de protestation contre l'introduction de nouvelles filières dans leur faculté. Les étudiants exclus critiquent cette décision et demandent plutôt le dialogue. Reportage signé Alain Désiré Boukeyeneza. Les étudiants concernés sont 100 étudiants du département d'histoire, 57 du département d'études africaines, 123 du département de langues et littératures anglaises et 66 du département de langues et littératures françaises. Au total, 346 étudiants sont exclus de l'Université du Burundi par la décision rectorale. Par cette décision du 12 août 2016, les autorités rectorales font savoir que ces étudiants sont dans un mouvement injustifié d'arrêt de cours et qu'ils ont refusé de reprendre à l'appel les invitants à reprendre les cours, ajoutant qu'en attendant la décision du conseil d'administration, cette décision s'avère urgente. Les étudiants s'inscrivent en fond contre cette décision. Ils disent qu'ils sont désagréablement surpris. Celui-ci est l'un des représentants de ces étudiants. Nous avons accueilli cette décision du recteur avec beaucoup plus d'amertume parce que les uns d'entre nous ont répondu cet appel et les autres n'ont pas encore arrivé en classe parce qu'il y en a qui vivent à l'intérieur qui ne peuvent pas avoir des moyens dans un laps de temps pour qu'ils puissent quand même vaquer aux activités. Et nous avons essayé de plaider pour eux pour qu'ils viennent lundi de la semaine prochaine. Et nous avons vu qu'ils ont accepté, mais vous voyez, ils ont fait sortir une liste de plus de 300 étudiants expulsés. Ces étudiants demandent aux autorités rectorales d'accepter la résolution du problème déclencheur par la voie du dialogue. Nous demandons aux autorités rectorales qu'ils puissent quand même faire le tout pour nous donner un petit moment, petit qu'il soit, pour que nous puissions quand même échanger. Parce que nous avons des inquiétude, suspendre des activités académiques au bout de 2 mois et plus. Bien sûr, nous avons des problèmes que les autorités de l'Université du Burundi, quand ils nous donnent cette opportunité de pouvoir échanger, pas résoudre. Ces étudiants avaient arrêté les cours protestant l'introduction de nouvelles filières qui ne leur permettront pas d'accéder à la carrière d'enseignement à la fin de leurs études. Nous disons merci à Alain Désiré Boukeyeneza pour ce reportage. La prochaine session de l'East African Assembly législative est là. Ne va pas se tenir au Burundi alors que c'était son tour de l'organiser. Pour le ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine, la raison est que les députés de certains pays de l'EAC et certains députés qui représentent le Burundi au sein de cette institution ne répondront pas présents à cette session si elle est organisée au Burundi. Ces explications ont été données par le ministre Léontine Nzeyimana aux sénateurs lors des questions orales de ce vendredi. Aubin Niyonguru était là pour la radio Isanganiro. La session des questions orales de ce vendredi avait été organisée pour que le ministre Léontine Nzeyimana donne des éclaircissements sur la récente résolution adoptée par l'EALA après l'assassinat de l'honorable Afsa Mossi, occasion pour le sénateur Anissé Niyongabo de demander à quand le tour du Burundi d'organiser une session de l'EALA, tenue qui est par principe rotative au sein des pays de l'EAC. Normalement, les sessions parlementaires de l'EALA sont organisées d'une façon rotative dans les pays partenaires. Est-ce que le Burundi aura cette opportunité de l'organiser et quand? Ce sera la session la plus proche qui se tiendra au Burundi selon la manière dont les sessions plénières sont organisées dans les pays partenaires. Selon le ministre des Affaires de la communauté east-africaine, la prochaine session devrait se tenir au Burundi, mais elle ne s'y traînera pas parce que certains députés ne peuvent pas participer, a-t-elle répondu. C'est vrai, les sessions parlementaires de l'EALA sont organisées rotativement dans les 5 pays membres de la communauté est-africaine. Est-ce que le Burundi a-t-il organisé une telle session? Sincèrement, ça fait longtemps qu'une session de l'EALA ne s'est pas tenue au Burundi. De surcroît, celle de août devrait se tenir au Burundi, mais ça ne se fera pas, même si Spika voudrait qu'elle se tienne au Burundi. Il pourrait y avoir un problème de quorum, ce qui peut être un échec pour lui. Et il a besoin de se protéger et protéger également son travail. Nous savons qu'il y a des parlementaires des pays voisins et des ressortissants de ces 5 pays qui ne viennent pas dans nos réunions. Eux, ils ont encore la chance d'être à 9. Et quand ils décident de ne pas venir au Burundi, la session ne peut pas se tenir. Nous avons 4 qui ne sont plus parmi nous et c'est là où réside le problème. Sinon, la rotation continue, sauf chez nous au Burundi. Les députés de l'EALA avaient demandé au secrétariat de l'EAC de suspendre les activités de l'EAC au Burundi, mais après 2 missions effectuées au Burundi, le Conseil des ministres chargé des affaires de la communauté, tenu à la fin du mois de juin, a décidé que d'autres réunions peuvent se tenir dans le pays, a souligné le ministre Léontine Nzeyimana. Merci à Aubin Niongo. Toujours en page politique, 2 hommes sont en lice pour la présidence du parti Prona dans le congrès national de ce parti qui se tient au grand séminaire Jean-Paul II à Gitega. Il s'agit d'Ogachati Abel et d'Aizamba André. Conseiller Nibigila, la présidente sortante, a retiré sa candidature. Il y a aussi 2 autres postes à pourvoir, à savoir la vice-présidence et le secrétariat général. Il est également prévu de mettre en place un conseil supérieur du parti, composé de 6 membres en remplacement de l'ancien organe chargé de l'éthique et de discipline. Le représentant du parti, Sawanya Fodebou, en province de Karusi, est sous les verrous depuis ce samedi. Séverin Nirugaimvo est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au sein de sa formation politique, on dénonce cette arrestation jugée d'arbitraire. Le porte-parole du Fodebou demande que le leur soit libéré sans condition, Phineas Nigaba. Notre représentant du parti Sawanya Fodebou en province de Karusi, répondant au nom de Nirugaimvo Séverin, a été arrêté hier sous l'ordre du procureur de la République en province de Karusi. Cette arrestation, c'est une arrestation injuste car M. Nirugaimvo Séverin dernièrement a été arrêté au début du mois d'août. Il a passé plus de 5 jours dans les cachots à Nyabikere, mais après beaucoup d'interventions, il a été libéré et on a vu qu'il n'avait pas aucune faute, aucune erreur, aucun dossier sur lui. Ce qui est étonnant, après une semaine, il vient d'être arrêté encore. Et il a été conduit au cachot. Alors, au parti Sawanya Fodebou, nous qualifions ça que c'est une arrestation arbitraire, injuste, même qu'il y a des mobiles politiques derrière. Parce que M. Nirugaimvo Séverin représente le parti Sawanya Fodebou il y a plus de 8 ans, 10 ans. Il n'avait commis aucune infraction. Et même au sein du parti Sawanya Fodebou, c'est un homme intègre. Alors, nous voyons que ce sont des manies pour arrêter les dirigeants, arrêter les leaders et empêcher les partis politiques de fonctionner. Et à la fin, c'est empêcher la démocratie de s'installer ici au Burundi. Alors, nous demandons à ce que ce harcèlement politique s'arrête et que M. Nirugaimvo Séverin soit libéré sans condition. Nous demandons à tous les intervenants en matière de droits de l'homme d'intervenir pour que ce militant, pour que ce leader soit libéré et qu'il soit libre et qu'il regagne sa famille. On demande à nos militants de rester calme, de rester solidaire et surtout de suivre de près ce dossier pour que nous puissions nous mettre ensemble et demander aux concernés de libérer notre militant sans condition. Est-ce que vous connaissez déjà celui qui a porté plainte contre lui? Jusqu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons personne parce que c'était infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Je pense que c'est une infraction qui se généralise de plus en plus puisqu'il n'y avait personne à qui il avait des problèmes avec lui. Donc, jusqu'à maintenant, nous ne connaissons personne. Il a été seulement arrêté à l'accusa d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, même refus de comparution. Si on peut donner un éclaircissement, des informations que nous disposons, il devrait comparaître le 17 août. Maintenant, il a été arrêté le 13. Vous voyez que c'est un problème. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté précipitamment, alors que même auparavant, il n'a jamais refusé de comparaître devant les juridictions. Tout citoyen, quand il est convoqué, quand il est recherché, il doit comparaître. Nous soutenons ça. C'est pourquoi nous demandons à la justice d'être indépendante, de prendre les personnes au même pied d'égalité, puisque c'est ça la justice. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h07 dans le studio de la radio Isanganilo, nous poursuivons ce journal. Le favoritisme est une réalité dans le paiement de la consommation d'eau à la colline Ruyigi rurale. Nous sommes en commune et province Ruyigi. Certains habitants de cette colline accusent le président de la régie communale de l'eau d'avoir permis le raccordement de robinets dépourvus de compteurs pour certains ménages. Le coordinateur provincial des régies communales de l'eau parle d'un vol passible de poursuites judiciaires. Jean-Claude Chimilimana, correspondance. Les habitants de certains ménages de la colline Ruyigi-Rirare, sous-colline Karuigi en commune et province Ruyigi, sont ceux qui s'indignent contre le favoritisme dans le recouvrement des frais de consommation d'eau. Les habitants de ces ménages, qui paient des factures de consommation d'eau par mois, accusent Jean-Marie Bizimana, président de la régie communale de l'eau, d'avoir permis le raccordement de robinets d'eau sans compteur assez proches de la même localité pour qu'ils soient épargnés des factures mensuelles sur la consommation. Ceux qui se plaignent indiquent qu'ils sont des fois soumis à la carence d'eau suite au gaspillage fait par les détenteurs de robinets d'eau sans compteur qui paient un forfait de 1 000 francs par an au moment où les détenteurs de robinets d'eau avec compteur paient par mois 300 francs par mètre cube d'eau consommée. À cet effet, ils demandent aux instances habilitées à agir pour qu'ils soient traités au même pied d'égalité, ce qui serait même bénéfique à la fiscalité communale. Jean-Marie Bizimana, président de la régie communale de l'eau, dit qu'il ne pratique pas de favoritisme, puisque selon lui, les robinets sans compteur d'eau existent même ailleurs. De son côté, Eli Tunga, coordinateur provincial des régies communales de l'eau, dit qu'il croyait que ce problème de Karuigi était déjà résolu, puisque les compteurs d'eau ne manquaient pas. À cet effet, il indique qu'il va traduire en justice tous les ménages qui ont des robinets sans compteur d'eau, car, selon lui, ils pratiquent un vol pur et simple. Jean-Claude Nchimilimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Claude Chimilimana. Des enfants utilisés dans la mendicité, des femmes et filles à partenaires multiples et des vendeurs ambulants ont été arrêtés la nuit de samedi à dimanche au centre-ville de Gitega. Le commissaire provincial de police indique que cette opération a été menée dans l'optique d'épurer de la ville de probables perturbateurs de l'ordre public. Arthur Kavaouchi. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, la police de la ville de Gitega a procédé à l'arrestation de différentes personnes composées de 7 enfants, plus de 20 prostituées ainsi que plus de 60 vendeurs ambulants. Selon M. Hakizimana, commissaire provincial de la police dans la province de Gitega, ils ont collaboré avec les administratifs qui sont membres du conseil provincial de la sécurité et ils ont constaté que les trois catégories de personnes peuvent être source d'insécurité, étant donné que ces gens travaillent dans des endroits et des espaces non connus et une décision de les arrêter a été prise de toute urgence. Ce responsable de la police dans la province de Gitega indique que les 7 enfants seront remis à leur famille par le biais de l'administration et que les responsables de cette ignoble activité sont en train d'être recherchés pour être traduits devant la justice afin d'être punis conformément à la loi et éradiquer ce comportement. Quant aux prostituées et les vendeurs ambulants, ils seront remis dans les mains de la justice pour être punis étant donné que ce comportement est parmi les causes d'insécurité vu que les vendeurs ambulants ne payent pas les impôts. Sachez que cette décision a été prise par les membres du Conseil provincial de la sécurité et que la police va continuer à poursuivre ceux qui font des travaux illégaux, y compris ceux qui passent leur temps assis en ville sans rien faire. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. De Gitega, nous nous rendons à Muyinga où la police de sécurité routière ne respecte pas les délais et les procédures de passation de tests d'obtention des permis de conduire à l'intérieur du pays. C'est du moins, selon l'avis des gestionnaires des auto-écoles dans cette province, où le dernier test effectué date de 2014, correspondance de Dieudonné Nzeimana. Estimé à des centaines de propriétaires de permis de conduire provisoire, ils attendent impatiemment la passation du test d'obtention du permis définitif à Muyinga. Le dernier test organisé à Muyinga a eu lieu en 2014. Depuis, la police de sécurité routière annonce des rendez-vous non honorés de passation dans l'autre test. Les permis provisoires ont perdu leur validité de 3 mois renouvelables 4 fois uniquement. Amiel Ouizera, vice-président du collectif des auto-écoles au Burundi, parle d'une violation des engagements par la police. Aujourd'hui, les lauréats des auto-écoles à Muyinga s'entraînent à ces institutions, pourtant non responsables de ce retard, d'après le même gestionnaire d'une auto-école, pour qui même l'innovation des permis de conduire biométriques aura des retards tant que la procédure habituelle d'obtention des permis n'est pas respectée, conformément au code de la route. Des sources à la police de sécurité routière de Muyinga indique que ce problème a été soumis plus d'une fois à la direction de la PCR, mais des moyens financiers pour organiser des descentes de Bujumbura à l'intérieur du pays feraient défaut. Dieudonné Nzeimana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana. C'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le représentant du parti Sabanya Frodebu en province de Karusi a été arrêté ce samedi. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, c'est le motif de son interpellation. Mais sa formation politique soupçonne des mobiles politiques. Et le parti Prona est en train d'élire son nouveau président. Le vote se déroule en ce moment à Gitega pour départager André Ndayizamba et Abel Gachati. Et près de 100 personnes ont été arrêtées dans une rafle policière de la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Gitega. Elles sont suspectées par la police d'être de probables perturbateurs de l'ordre public. Et en page éducation, vous l'avez entendu, nous avons parlé de plus de 300 étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui sont exclus de l'Université du Burundi pour l'année académique en cours. Dans ce journal, nous vous avons également parlé des ménages de Luigi qui utilisent sans payer l'eau de la régie des eaux avec la complicité de ses agents. Et voilà. À 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.